Morning Sun, daté de 1952. Cette huile sur toile est d'assez grande dimension. Elle mesure 1 mètre de large sur 75 cm de haut. Elle est conservée dans l'Ohio, au Columbus Museum. Une femme est assise sur un lit, genoux relevés et bras enlaçant ses jambes. Elle fixe une fenêtre à notre droite, ouverte sur la ville. La fenêtre est coupée par le bord droit du tableau. Elle occupe quasiment toute la hauteur de la toile. La lumière froide du matin entre par la fenêtre grande ouverte. Un grand rectangle lumineux, jaune acide, se dessine sur le mur gris à l'arrière du modèle. La femme est au centre de l'œuvre. Son corps forme une pyramide dont la base occupe presque la totalité du lit. Le matelas est recouvert d'un drap blanc et occupe quasiment toute la longueur inférieure de la toile. Une impression de solitude se dégage de la scène. La femme est vue de profil vers notre droite. Son regard semble absent, car l'œil est totalement peint en noir, comme vide. Ses lèvres sont fines, ses mâchoires sont serrées, son nez est droit. Le profil de cette femme, illuminé par la lumière du soleil, se détache sur un fond gris sombre. Aucune sensualité ne se dégage de ce corps féminin. La combinaison rose, relevée sur les hanches, les longues jambes fines, les bras souples et ronds, sont peints en petites touches, comme des hachures. Le contour du corps, très cerné, la rigueur de la composition, la chambre impersonnelle et le paysage urbain occultent la séduction de ce corps féminin. Sous le soleil, probablement. Edward Hopper n'aura jamais cessé d'affirmer que la lumière était l'unique sujet de son œuvre. Lumière dont le sens répond à la polarité qui caractérise chacun des éléments composant ses peintures. Porte, seuil, lieu de transition. Ces lumières sont simultanément prosaïques et sacrées. Le pharaon Akhenaton a été le premier à faire du disque solaire et de son rayonnement le support d'une foi monothéiste. La théologie de la lumière, héritée des pères de l'Église, a inspiré les constructeurs de nos cathédrales gothiques. La lumière s'est ainsi imposée comme véhicule du sacré. C'est celle qui, dans les annonciations étudiées par l'historien de l'art Daniel Arras, est porteuse du verbe divin. Dans la mythologie antique, la lumière a aussi été la pluie d'or, la puissance fécondante que Zeus déversa sur Danaé afin de la séduire. Comme les tournesols de Van Gogh, les personnages peints par Hopper deviennent au fil du temps de véritables héliotropes. Ils célèbrent un culte solaire, dans lequel se réconcilient leurs aspirations spirituelles et leur satisfaction païenne à voir leur épiderme se colorer de toutes les nuances du café au lait. À la lumière du pinceau. Lumière profane. En 1952, Edward Hopper peint Morning Sun, portrait d'une femme baignée dans une lumière matinale. La mythologie relate l'histoire de Danaé, fille du roi d'Argos à Crisios, enfermée dans une tour dont les portes en airain sont gardées par des chiens féroces. Zeus, touché par la beauté de Danaé, vint lui rendre visite sous la forme d'une pluie d'or et lui donna un fils nommé Persée. Les femmes de Hopper qui s'offrent au soleil sont toutes de modernes Danaé. Il est tentant d'interpréter les œuvres de Hopper en référence au principe de l'allégorie réelle, de cette transposition des symboles anciens dans le monde moderne et séculier. L'adoration du soleil, écrit Ralph Waldo Emerson dans La Nature en 2012. Héliotrope, comme les pensionnaires du sanatorium de la montagne magique de Thomas Mann, qui cherchent dans une station alpine la lumière du soleil afin de se ressourcer, les personnages de Hopper sont attirés par cet astre lumineux, source de chaleur et de volupté. À la fin des années 1940, Hopper lit La Montagne Magique. La vie au ralenti, l'inaction, le culte solaire des pensionnaires du sanatorium décrit par le romancier allemand captive Hopper. Après le déjeuner, un grand nombre de pensionnaires avaient coutume de se rendre sur la terrasse située devant la salle à manger, pour demeurer un instant par groupe au soleil, écrit Thomas Mann dans La Montagne Magique en 1931. Les nouveaux adorateurs du soleil. Le culte d'Aton, dieu solaire de l'Égypte antique, se célèbre aujourd'hui sur les terrasses et les plages. Autels de sable blond et onguents à l'huile de palme sont les outils de nos liturgies solaires. Martin Parr, né en 1952, photographe d'origine britannique, traque les rituels de nos sociétés profanes. Photographe de la banalité et du tourisme vulgaire, il se dit fasciné par l'ennui. Sa série, The Last Resort, met en scène les vacanciers ordinaires.